Je vais donner tout de suite la parole à Rémi Simonetti, qui vient donc de l'université de Padoue, qui est médiéviste et qui nous parle de la transmission des techniques hydrauliques, 12e, 13e siècle. Voilà, pour une demi-heure environ, ça ira. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter les premiers résultats d'une recherche sur l'approvisionnement énergétique et l'exploitation des ressources hydriques au Moyen-Âge, un projet financé par l'Université de Padoue dans le cadre d'un projet dit stratégique de recherche dont le titre est Medioevo Veneto, Medioevo Europeo, Identità, Alterità. Alors, il est bien connu que l'Italie du Nord, et notamment la plaine du Po, était une parmi les régions les plus peuplées de l'Occident médiéval, caractérisée par la présence d'un grand nombre de villes. En fait, aux vraies métropoles médiévales telles que Venise, Milan et Florence, par exemple, qui comptaient à la fin du XIIIe siècle entre 100 000 et 130 000 habitants, il faut ajouter les villes comme par exemple Padoue, qui comptait entre 30 000 et 40 000 habitants, suivi par un grand nombre de villes d'importance moyenne, comme Trévise, avec ses quelques 15 000 habitants. Mais le cadre de l'anthropisation ne serait pas complet sans considérer le réseau de petits et grands villages que chaque ville gouvernait. À ce propos, il suffit de rappeler que les villages qui faisaient partie du districtus d'une ville moyenne, telle que Vicence au XIIIe siècle, étaient non moins que 220. Et comme il a été bien souligné par Dario Cantian, il ne s'agit pas d'une exception. La plus grande partie de ces villages comptait quelques centaines d'habitants, ou parfois seulement quelques dizaines. Mais quelques-uns d'entre eux étaient par contre d'importants bourgs ou châteaux que seulement le manque d'un siège épiscopal empêchait d'appeler légitimement ville. Alors l'historien italien qui s'est le plus occupé de cette typologie de village, Giorgio Chitolini, a inventé pour les qualifier la définition de quasi-città, presque ville. Alors, la plaine du Po était donc couverte par un réseau très serré de villes, quasi-città, châteaux et villages. Et les historiens ont identifié ce phénomène, qui est généralement désigné par le terme de polycentrisme, comme une caractéristique à long terme du territoire dont je m'occupe. Car, en fait, cet habitat très dispersé a persisté jusqu'à nos jours, provoquant de gros problèmes environnementaux, notamment en ce qui concerne la gestion des ressources hydriques, comme il est clairement attesté par les nombreuses inondations qui ont eu lieu ces dernières années. Alors, cette densité démographique a eu comme conséquence une exploitation particulièrement intense des ressources naturelles destinées à la subsistance de la population et au développement des activités productives dans les années suivant l'an 1000. Et à contraindre les communautés à un grand travail d'aménagement du territoire, dont les traces étaient visibles encore aux années 50 du XXe siècle, c'est-à-dire jusqu'au boom économique et industriel italien et au conséquent bouleversement des campagnes. En fait, tout au long du Moyen-Âge, les villes de l'Italie du Nord ont dû faire face aux inconvénients engendrés par le grand nombre de fleuves, de cours d'eau mineurs et zones marécageuses qui caractérisait la zone de la plaine du Po, ouvrant ainsi une grande période de travaux hydrauliques visant à assurer la protection des villes, la fertilité des campagnes et la création d'un réseau de communication fluviale. Pour ce faire, les villes ont dû trouver et développer les techniques nécessaires, entrant ainsi dans un circuit de circulation de personnes et de connaissances qui fait l'objet de mon projet de recherche. Or, parler de circulation des connaissances pour les siècles médiévaux et en particulier pour les siècles ici considérés, c'est parler plutôt que de circulation d'œuvres ou de traités, de circulation de personnes. Professeurs d'université, médecins, avocats, ingénieri, magistri, donc ingénieurs, techniciens, podestats, etc. Et c'est précisément sur cette dernière figure que j'ai porté mon attention, le podestat. Je rappelle brièvement que le podestat, dans sa conception idéale, c'est-à-dire le podestat étranger, apparaît, selon la jolie formule d'Antonio Vivantini, comme une solution technocratique à la crise du consulat, devenue incapable de remplir sa fonction première. qui était celle de faire régner la paix et la concorde dans la cité. Alors, citoyen d'une autre commune, le podestat était un professionnel, réunissant en lui-même les qualités des consuls les plus qualifiés, c'est-à-dire à la fois de juriste et d'homme de guerre, et on va le voir, même de diffuseur de connaissances techniques. Et il exerce sa fonction pendant un temps limité, 6 mois, 1 an, parfois 2 ans. Alors, il est bien connu que la circulation des podestats dans l'Italie centrale et septentrionale a signifié aussi circulation d'idées, notamment idées juridiques, qui ont enrichi les statuts des différentes villes et villages, communes et communautés rurales, de temps en temps touchées par ces administrateurs itinérants. Moins connue, peut-être parce que moins étudiée, est le fait que, dans leur errance de ville en ville, les podestats ont dû mettre en circulation d'autres types de compétences, de connaissances, telles que les connaissances techniques, et c'est précisément sur ce point que je voudrais me concentrer aujourd'hui. Alors, la figure du podestat, notamment du podestat forestier ou étranger, a été pendant de nombreuses années au centre des études consacrées à la soi-disant civilisation communale italienne. Et comme vous pouvez l'imaginer, la production scientifique sur ce sujet est immense. Un bon exemple de cet intérêt est la vaste recherche coordonnée par Jean-Claude Merbiger et qui a donné lieu à la publication d'un remarquable ouvrage en 2 volumes intitulé « Il podestà dell'Italia comunale, reclutamento e circolazione, fine XII secolo, metà XIV secolo ». Bon, un simple coup d'œil sur les volumes mentionnés permet d'apprécier comment le thème a été abordé de nombreux points de vue. Pour ne citer que quelques exemples, on peut y trouver des informations sur les politiques de recrutement des différentes villes, des études prosopographiques sur certaines familles qui ont fait du métier de podestat une sorte de tradition familiale, considérations sur l'importance de la position du podestat dans le cadre de l'expansion territoriale des soi-disant città-stato, hégémonie de certaines villes, notamment Milan et Venise, mais aussi Bologne, dans l'exportation de podestats et officiers professionnels. Et ça pour toutes les villes, pour toutes les principales villes de l'Italie du Nord. D'autres aspects importants de la figure du podestat ont été étudiés plus spécifiquement par les historiens du droit. Moins étudiées, comme je le disais, sont d'autres conséquences associées à la circulation de ces officiers professionnels, et en particulier celles qui sont liées à la circulation des connaissances techniques. En fait, à ma connaissance au moins, aucune recherche articulée et organique n'a été consacrée au rôle joué par les podestats dans la diffusion des connaissances techniques, notamment hydrauliques. Peut-être parce que dans l'étude des grands travaux publics, l'attention était toujours, ou presque, axée sur les grandes questions politiques, économiques ou militaires qui auraient poussé la classe dirigeante des différentes villes à la réalisation de ces importantes opérations d'aménagement du territoire, sans se focaliser sur les personnes, ou mieux sur la personne, qui était l'expression concrète des aspirations de ces mêmes classes dirigeantes, c'est-à-dire le podestat. Alors, mes recherches sur ce sujet sont commencés en étudiant les opérations d'aménagement hydraulique réalisées par la commune de Padoue entre la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe. Au moment où la commune prend le contrôle complet des eaux de la ville et du territoire, ouvrant une période de travaux hydrauliques visant à garantir la sécurité des cours d'eau et des campagnes avoisinantes, ainsi qu'à transformer Padoue en important carrefour d'eau en partenariat économique avec Venise. Alors, le premier résultat de cette politique de contrôle et de valorisation des eaux, ça c'est l'hydrographie de la plaine padovane. Le premier résultat, je le disais, de cette politique, c'était la réalisation de creusement d'un canal reliant Padoue au château de Monselice, véritable tête de pont padouane sur le parcours du fleuve Adige. Alors, la réalisation de cette voie d'eau, connue comme canal di Battaglia, date des années comprises entre 1189 et 1201. Et selon Gérard Rive, s'en sert dans des perspectives toutes commerciales. Là, on voit les moulins, les marteaux pilons, etc., qui ont été réalisés le long du canal. Alors, le protestant en charge, à l'époque du commencement de cette intervention, était le Milanais Guglielmo de Rosa. Et puis, une autre importante opération menée par la commune de Padoue fut le creusement, en 1209, du Navigium Percodito Stratum, c'est-à-dire le canal connu à présent comme Canale del Piovego. Piovego vient de Publicus, donc c'est un canal public réalisé par la commune. Canal qui relie encore aujourd'hui Padoue au village de Stra et au cours du fleuve Brenta. Et même dans ce cas, le podestà était un Lombard, un dénommé Giacomo Vialardo, qui en réalité était natif de Vercelli, mais comme l'a bien souligné Alessandro Barbero, à cette époque, dans ce coin du Piémont, tous se considéraient Lombard. Or, la présence à Padoue de ces deux podestats lombards n'a rien d'étonnant, puisque la période comprise entre la fin du XIIe siècle et les années 60 du XIIIe voit un énorme succès de la Lombardie, et notamment de Milan, dans l'export de podestats et officiers professionnels. Même Jean-Claude Merligueur a parlé d'un, je cite, « strepitoso successo dei podestats milanesi fino alla metà del XIII secolo ». Nella fase di massima fioritura dell'istituzione podestarile. Mais une réflexion d'Elisa Occhipinti m'a poussé à chercher plus loin. Madame Occhipinti a étudié la politique de recrutement et d'export de podestats et officiers de la commune de Milan et elle a conclu qu'effectivement, l'officier d'origine lombarde et notamment milanaise devait présenter quelques atouts par rapport aux autres. Et à ce propos, elle cite Guglielmo de Rosa et les grands travaux publics réalisés par ce podestà lors de son séjour à Padoue, ainsi que ses collègues Pagano della Torre et Rubaconte da Mandello, podestà respectivement à Padoue et à Florence, où ils réalisèrent d'importants travaux d'aménagement du territoire et de la viabilité terrestre et fluviale. Rubaconte, en particulier, réalisa le troisième pont sur l'Arno en 1237. Alors, dans ce cas, il semble donc que les villes de Padoue et de Florence aient choisi le podestat sur la base de sa compétence, de sa maîtrise dans le domaine des travaux publics, dans une période pendant laquelle l'aménagement de la ville et du territoire était considéré comme prioritaire. À ce sujet, non moins intéressant, a été une considération de Gianmaria Varanini à propos de l'intervention de réglage du régime hydrographique du Flumen Novum, à présent connu comme Gua, réalisé par les autorités municipales de Vérone à la fin du XIIe siècle. Selon Varanini, dans ce cas, la commune de Vérone a consciemment fait appel aux compétences du Milanais Guglielmo da Rosa, que nous avons déjà vu impliqué à Padoue dans la réalisation du canal de Battaglia. Alors, la référence à la compétence, à l'expertise du Milanais Guglielmo da Rosa est loin d'être aléatoire dès que l'on considère qu'entre la moitié du XIIe siècle et les premières décennies du XIIIe, la commune de Milan avait ouvert une période de grands travaux hydrauliques visant à la réalisation de l'un des réseaux fluviaux les plus importants de l'époque, les célèbres Navigli. En fait, le creusement du Navigium de Gazzano, connu au cours du temps également comme Ticinello, car dérivé du fleuve Ticino, Tessin, date de 1177 et fut suivi par une série d'interventions qui ont fait de Milan un carrefour d'eau véritablement de haut de gamme. Alors, le fait dont je viens de parler m'ont permis d'établir une relation entre la présence à Padoue, de ces podestats milanais et la réalisation des grands travaux hydrauliques tels que le canal de Battaglia et le Piovego. Alors l'hypothèse est donc que la classe dirigeante de Padoue avait voulu profiter à travers le podestat Giacomo Vialardo et Guglielmo da Rosa de l'expertise acquise par les Milanais dans le contrôle des eaux de leur propre territoire. À ce propos, il est intéressant de rappeler que Gérard Ruy soulignait le rôle joué par Guglielmo da Rosa dans, je cite, dans l'amélioration de la maîtrise technique des Padouins en ce qui concerne la gestion des ressources hydriques. Mais il est évident que sur la base de ces seuls deux cas Padouins, l'hypothèse, bien que supportée par les études d'Occhipinti, de Varanini ou de Rip, risque d'être plutôt faible. Et l'étape suivante a donc été de chercher des autres éléments de preuve pour corroborer l'hypothèse initiale. Et en étendant la recherche à l'ensemble du centre nord de l'Italie, j'ai pu dégager quelques cas intéressants que je vais vous présenter rapidement. Alors, considérons d'abord la récupération de la Palus communis Verone, c'est-à-dire une vaste zone marécageuse située une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de la ville, de la ville de Vérone, près du village de Zebio. Et alors là, en 1193, les autorités véronaises ont commencé les opérations de drainage qui se sont prolongées pour toute l'année suivante. Or, le podestat en charge dans les années 1193-94 était Guglielmo d'Aosa, qui, seulement 4 ans auparavant, avait commencé l'excavation du canal di Battaglia à Padoue, et qui a été honoré par la commune de Vérone comme vir optimus quia totilus populi veronensis commodum non modicum laborabit. Alors, un autre cas intéressant est celui de Bologne, où en 1176, la communauté choisit 8 consuls et commissaire teris ordinationem totius rami de Salinia, promolendinis ordinandis, sigle procunctis necessaris facendis et statuendis. Alors le canal di Savina, vous le voyez sur la droite. Il s'agit évidemment du commencement des travaux pour l'excavation du canal de Savina, conçu pour conduire une partie des eaux du fleuve Savina jusqu'au centre de la ville. Le travail a été commencé par ce comité consulaire, mais il a continué dans les 2 années suivantes sous la direction du podestat lombard Pinamonte et Vabinercate. Alors, quelques années plus tard, en 1184-1185, la commune de Bologne décide de creuser le canal di Reno, qui, à partir de l'écluse de Casalecchio di Reno, amenait l'eau du fleuve Reno jusqu'à la ville et au canal delle Moline. Et même dans ce cas, le podestat était un lombard, Antonio da Mandello. En ce qui concerne Florence, nous avons vu qu'en 1237, Rubaconte da Mandello réalisa le troisième pont sur l'Arno. Et bien, à ce stade, on peut ajouter un autre détail intéressant, à savoir que le deuxième pont sur le fleuve Arno fut construit durant le mandat de deux proches de Rubaconte, Ottone Mandello, podestat en 1218, et Alberto Mandello, podestat en 1219. Et comme l'a bien mis en évidence Jean-Claude Merlieur, je cite, « difficile de penser que c'était juste une coïncidence ». Alors bien, les exemples pourraient continuer avec des références à d'autres villes, Trévise, le podestat Guglielmo Pusterla, Parme, Plaisance, Crémone, Mantoue, dont je dirai quelque chose après. Mais à ce point, je voudrais aborder brièvement un autre aspect de la question, à savoir le rôle qu'on peut attribuer à ces administrateurs itinérants dans la réalisation de ces grands travaux publics. Et tout d'abord, il ne faut pas s'attendre qu'ils avaient nécessairement des compétences techniques analogues à celles d'un architecte ou d'un ingénieur, un ingénieur. Et c'est-à-dire qu'ils étaient en mesure de s'occuper directement et personnellement de la direction du chantier. Leur compétence devait être plutôt celle d'un gestionnaire, d'un gestionnaire de haut niveau. Par ailleurs, même Jean-Claude Merlieur souligne que le podestat était probablement chargé de la recherche des ressources financières, des matériaux, de la main-d'œuvre spécialisée, sans parler de la résolution des problèmes juridiques liés aux opérations de cette importance, des expropriations par exemple, les questions juridictionnelles, etc. Et à mon avis, l'aspect le plus important de ce type de travaux d'organisation, de gestion, devait être celui du repérage des techniciens et de la main-d'œuvre spécialisée, donc ces magistri, ces ingénierie qu'on rencontre souvent dans les sources écrites. Et c'est pourquoi je pense que la capacité de rendre compte et d'engager les meilleurs techniciens sur le marché devait être un parmi les critères les plus importants dans le choix d'un podestat au moment où une ville décidait d'entreprendre une série de travaux publics. Creusement de canaux, mise en sécurité des fleuves, création d'un réseau routier, etc. Et un autre aspect de ma recherche est celui de l'identification de ces techniciens. Il s'agit d'une recherche difficile parce que s'il est vrai que, comme je viens de le dire, on les trouve souvent dans les sources écrites, ces magistri, ces techniciens. En général, il s'agit seulement d'un nom suivi par le titre de magister ou ingénieri. On n'a pas des contrats signés par l'intéressé ou de ressous pour les dépenses. Donc, c'est difficile d'identifier ces techniciens. Un exemple très clair de cette situation est celui de l'approvisionnement en eau du champ de Mars de Vérone, étudié par Gianmaria Varanini. Et alors, dans ce cas, la source, un arrêté de la commune de Vérone, fait tout simplement référence à un magister aquae de Bergamo, qui devrait également se charger de l'aménagement hydraulique de la Campania Maior de Vérone. Et alors, cette référence est quand même très importante parce que durant les années considérées dans la région de Bergame, ont été réalisés de nombreux et importants travaux sur le réseau hydrographique visant à exploiter les eaux des fleuves Serio et Brembo. Et à ce sujet, je me limite à signaler une tagliada, c'est-à-dire un canal, réalisé le long du cours du Serio par l'ingénierius Albertus Pitentinus, très réputé, très renommé pour avoir conçu et réalisé en 1191 le système de canaux et de lacs qui, encore à nos jours, entoure la ville de Mantoue. En fait, la région comprise entre Milan et Bergame semble être caractérisée par la présence de nombreux ingénieurs hydrauliques, disons comme ça. Je vous propose seulement le cas de celle qui semble se présenter comme une dynastie, une vraie dynastie d'ingénieurs, au service de la commune de Milan. Dynastie dont le premier membre, le premier représentant, était l'ingénieur militaire Guitelmus, qui, entre 1156 et 1162, fut chargé de la construction de plusieurs ponts sur le Tessin et l'Arpe. Après 1162, sa place a été prise par Alamannus de Guitelmo, sans doute le fils de Guitelmo, qui est resté en charge jusqu'au moins à 1188. Et puis, pendant les années 60 du XIIIe siècle, la place est occupée par Alpino Alamanni, qui, d'après les recherches de Girolamo Biscaro, datant des années 40, appartenait à la même famille. Et même dans ce cas, les exemples pourraient se multiplier, mais ce qui est intéressant, à mon avis, est l'existence de cette, disons, science hydraulique lombarde qui précède et représente probablement l'origine de la science des eaux propre à Venise. En fait, dans l'historiographie italienne, il y a l'idée que avant Venise, il n'y avait rien. Je pense avoir démontré que, aujourd'hui je vous ai présenté très, très rapidement ces recherches, mais dans un article qui va apparaître, je pense avoir démontré qu'il y avait quelque chose même avant Venise. Sinon, on ne comprendrait pas comment ces villes aurait survécu au cri du Brenta, de l'Adige, etc. Et en fait, au 15e et 16e siècle, une grande partie des ingénieurs hydrauliques engagés par la Sérénissima venaient de Lombardie. et plus précisément de la région de Bergame. Donc il y avait bien sûr des Vénitiens, mais les grandes têtes, disons, étaient pour la plupart lombards. Et donc pour conclure, j'espère que ma recherche permettra de voir la. Permettra avant tout de démontrer qu'il y avait une connaissance de quelque sorte de l'hydraulique, même avant Venise, même avant ses Prodi, ses Savi, etc. Et en second lieu, j'espère que ça permettra de voir la figure du Podestà d'un point de vue nouveau. Et donc, non seulement comme un administrateur et diffuseur de connaissances juridiques et de pratiques administratives, mais aussi comme un diffuseur, en quelque façon, de connaissances techniques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Rémi Simonetti. Comme vous êtes le seul médiéviste, et je me réjouis d'ailleurs qu'on ait eu une intervention d'histoire médiévale, je regarde Corinne, elle sera trop sous-représentée sans doute dans nos réunions. Comme vous êtes le seul médiéviste, je pense qu'on va pouvoir prendre les questions qui concernent votre communication maintenant, ou la discussion qui pourrait s'engager, et puis on verra ensuite pour les deux papiers qui concernent le 19e et le 20e siècle. Alors, en revanche, je n'ai vraiment pas grande compétence pour commenter vos travaux. J'ouvre donc la discussion, les questions. Alors, Corinne Beck. Merci Rémi pour cet éclairage, parce que ça rejoint un certain nombre de situations observées pour les eaux ou pour d'autres domaines forestiers ou autres, où on considère qu'il y a comme ça des dates, des situations clés, et avant cette date, il ne se passe jamais rien. Bon, là, c'est le cas de Venise qui aurait tout inventé, en fait, il se passe bien les choses avant. En France, on a le cas aussi pour la question forestière, considérant qu'avant Colbert, il ne se passe rien. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant, quand même, en s'installant dans le temps long, de voir aussi qu'il y a un certain nombre d'images d'Épinal qui demandent à être largement balayées. Cela étant dit, je voudrais revenir sur le Podestà et les techniciens. Qui finalement, enfin je suis un peu provocatrice, mais qui finalement apporte la technique nouvelle? Parce que le Podestà tel qu'il est brossé, c'est une sorte de maître d'œuvre. Oui. Et les véritables, ceux qui initient véritablement les nouvelles techniques, ce sont les magistris et les ingénieurs. Oui. Et est-ce qu'on a, dans les différents travaux que vous avez mentionnés, est-ce qu'on a des travaux qui, de par la technique utilisée, font figure de nouveautés réelles? Je ne sais pas moi, des problèmes d'écluse ou d'endiguement, est-ce qu'il y a des choses tout à fait nouvelles dans ce qu'ils mettent en place? Oui, là c'est difficile parce que, alors disons, pour le 14e, 15e siècle, on a des sources plus précises, par exemple des traités hydraulique. Pour la fin du 12e et le 13e siècle, c'est plus compliqué parce que, comme je le disais, par exemple, dans les annales des villes, on trouve durant le mandat du Podestà, tel a été réalisé, le nouveau pont, etc. Et c'est tout. Les analystes se bornent à citer le. Alors là, c'est difficile. En ce qui concerne les techniques, je crois qu'il s'agit toujours des techniques anciennes. Et donc les techniques classiques, la science grecque, la science arabe, etc. Là, je voudrais pousser un peu la recherche, si l'université me le permettra, c'est-à-dire s'ils vont me financer, sinon je le ferai pour moi-même. Et c'est très difficile aussi de comme je le disais, d'identifier ces techniciens, parce que j'ai trouvé plusieurs mentions de, par exemple, ce Magister Acque, mais il faudrait peut-être fouiller complètement l'archive de l'État de Venise en espérant de trouver une reçue. Nous avons payé un certain chiffre à, par exemple, à Albertus Pitentinus. Bon, là, lui, il était très réputé, déjà à l'époque, très, très connu, mais c'est vraiment difficile. Par exemple, on peut apprécier l'introduction de nouvelles techniques dans le domaine par exemple, de l'industrie de la laine. Là, alors, on voit qu'il y a, mais on parle du 14e siècle, alors, pendant la dynastie, la seigneurie de Dakar, il y a par exemple l'introduction de la carte à Padoue par les seigneurs. Et là, alors, nous avons les contrats. Ils vont chercher des techniciens, des magistres, il y a Fabriano, et ils sont très, très bien payés pour introduire la production de la carte. Dans le canale di Battaglia, il y a à Battaglia exactement une usine de production de carte à Bombasina, on dit, qui est strictement contrôlée par la seigneurie et après par Venise après 1405. Là, alors, il est très facile d'identifier ces techniciens et de voir le transfert de technologie. Pour le 12e et 13e, c'est difficile. Et l'archéologie, alors là, comment d'abord l'archéologie comment vous pourriez situer ça? Est-ce qu'on a fouillé? Ouais. Non, il n'y a jamais eu d'opération de fouille, d'études de bâti, des installations, non? Pour ce qui concerne la ville de Padoue, non. Je sais qu'il y a un jeune archéologue véronais qui s'est occupé de Vérone, de la campagne véronaise, mais je ne sais pas s'il s'est occupé de ce problème-là. Et lui, d'habitude, il s'occupe surtout de l'habitat. Et comme je vous le disais déjà à Valenciennes, il y a une faute de communication entre, c'est je crois typiquement italien, entre les historiens, disons de sources écrites, disons comme ça, et les archéologues, même à l'intérieur du même département d'histoire. Donc, chacun garde c'est très différent ici. Chacun cherche à protéger ses recherches. C'est dommage parce que j'aimerais bien travailler avec un archéologue médiéval, parce que je me rends compte très bien que je suis limité par les sources que j'utilise. D'autres questions? Oui. Moi, j'avais une question par rapport au montage financier de tous ces canaux. Enfin, je pensais tout simplement, très banalement, il y a une espèce de topos plus ou moins classique, plus ou moins artisan, selon lequel ce serait du côté des banquiers lombards au XIIe, XIIIe siècle que la capitalisation par action a pris en place la possibilité d'un agir technique plus global et même marchand initialement au départ. Et ce genre de projets qui sont quand même conséquents, donc quels sont les montages financiers qu'il y a derrière? Est-ce que ce sont des seigneurs, sont des cités? Enfin, qui finance ça? Parce que là, j'imagine que ce n'est pas l'Église en tant que telle qui intervient là-dedans, donc pour de tels projets. Non, alors là j'ai des exemples précis pour Padoue, c'est la commune. Pour le 12e, 13e siècle, c'est la commune de Padoue. C'est toujours la commune qui finance. Et pour la zone de la Scodosia, à une trentaine de kilomètres de Padoue, là c'est un fief, on dit, de l'évêché. Alors là c'est l'évêque qui finance ses travaux. Et il y a même des querelles entre l'évêque et la commune, parce que la commune de Padoue dit les eaux font partie de soi-disant jura regalia, c'est-à-dire c'est une affaire de droit public. Vous n'avez pas le droit d'intervenir sur les eaux. Il y a une très longue querelle judiciaire, et à la fin, comme d'habitude, tout reste comme ça. Pour les grands travaux publics, c'est toujours la commune. Et après, la seigneurie. Les Dakarara, là, c'est le 14e siècle, c'est une autre période très intéressante en ce qui concerne l'aménagement des rivières. Il y a beaucoup d'investissements, disons. Les particuliers sont concernés après pour les ouvrages de chaque communauté rurale, par exemple, est chargée de l'entretien. Alors là, c'est plus la commune, ce sont les communautés rurales qui sont obligées d'entretenir le canal. Les travaux sont répartis et donc toutes les communautés riveraines sont obligées de participer aux travaux. Mais toujours en tant que communauté, pas en tant que particulier. Pour l'époque, j'ai trouvé, l'intérêt des particuliers commence surtout avec à la fin du 14e siècle et puis au 15e, là, il y a beaucoup d'entrepreneurs vénitiens qui se chargent pour ses propres intérêts, évidemment, de creuser des canaux, d'installer des moulins, des marteaux-pilons, etc. Mais à l'époque communale, c'est toujours l'autorité publique, l'État, entre guillemets, qui s'occupe des eaux. Et on fait référence au droit classique, donc les jura regalia sont de pertinence exclusive des pouvoirs publics, disons. Patrick Fournier. Moi, je trouve que l'intérêt aussi de cette recherche, c'est de montrer que la figure de l'ingénieur, finalement, elle est plus ancienne que ce que l'on dit souvent dans l'historiographie. On rattache souvent à la Renaissance. Ouais. Donc, je pense que de ce point de vue, effectivement, il faut s'interroger sur ce qu'il y a derrière ces termes. Mais c'est un premier intérêt. Moi, j'avais une question justement pour un petit peu dans la proximité de ce qui vient d'être dit, mais est-ce que le rôle du podestat n'est pas central moins d'un point de vue technique, justement, que d'un point de vue juridique, parce que c'est lui qui va pouvoir gérer les conflits liés aux questions du droit de l'eau, justement, et qui va pouvoir pacifier, justement. Oui, en fait, il est le podestat est avant tout un expert du droit. Ce que je voulais démontrer, c'est que probablement il avait pas nécessairement des connaissances techniques, mais il se trouvait dans un milieu qui lui permettait d'engager ses techniciens qui parce que l'idée reçue, c'est que on appelle un podestat, par exemple, qui est très réputé en tant que commandant militaire, lorsqu'on a besoin d'un commandant pour une guerre. Et encore qu'on appelle un podestat qui est connu comme un expert de droit, lorsqu'on veut réformer le statut de la ville, etc. Je crois que qu'on peut appeler un podestat, mais pour d'autres circonstances, disons, la période entre la fin du 12e, première moitié, années 60 du 13e, c'est vraiment la période dans laquelle les villes prennent le contrôle complet ou presque complet, parce qu'on trouve encore des îles d'autorité seigneuriale, disons, dans les campagnes, mais là, c'est vraiment le moment où la ville impose même son contrôle, son pouvoir sur le territoire. Et c'est la période probablement la plus riche en ce qui concerne les travaux publics, donc l'aménagement d'un réseau fluvial, routier, etc. Et donc je pense que on cherche un podestat qui permet de... On sait que tel podestat est bien inséré dans le milieu des techniciens ou des... Et alors, je vais le démontrer. Il apparaîtra un article, j'espère... Bientôt. Bientôt, voilà. Jacques Virel. Oui, la question que je voulais poser, c'est est-ce que l'on a des informations qui concerneraient l'utilisation de l'eau pour la bonification des sols? On parlait par là de l'irrigation, puis aussi des colmates. Oui. Il n'y a pas trop d'indications sur ce sujet. On sait que... alors, il y a des par exemple, je parle pour Padoue, que je connais mieux. Alors, il y a les problèmes de la basse plaine. Là, le problème, c'est de faire écouler les eaux. Dans la haute plaine, c'est-à-dire en dessus de la ligne des résurgences, là, le problème, c'est l'irrigation, c'est d'irriguer, c'est... En fait, on sait que toute la zone en amont de la ligne des résurgences était irriguée, mais on n'a pas de données précises sur l'aménagement de cette zone-là. Il y a, par exemple, des études pour Trévise, mais pour le fin 14e, 15e siècle. Là, alors les sources sont abondantes et c'est plus facile de voir comment ça s'est passé. Pour l'époque communale, on sait que cette zone est irriguée, on sait qu'il y a des canaux de drainage. Par exemple, je me suis occupé des vignobles de Venise, dans la zone tout près de la lagune. Là, Venise, à la fin du 12e et au 13e siècle, a fait les monastères de Venise. Là, ce sont des particuliers, entre guillemets, ont fait un grand travail d'aménagement avec des canaux de drainage. Et c'est intéressant, je vais parler de ce sujet à Bordeaux. Il y a des vignobles même dans les sols sablonneux de la côte. Il y a des vignobles qui sont à l'intérieur de ce qu'on appelle les montons estamarés, c'est-à-dire le cordon de dunes côtières. Là, on cultivait des vignobles. Et là, vraiment, il y a un grand travail d'aménagement mené par les particuliers, avec l'autorisation de Venise, mais mené par ces monastères. Mais pour la plaine de Padoue, c'est moins clair. Bien. S'il n'y a pas de... Oui, encore. Dernière question. Oui, et puis est-ce après, qu'on a une idée de l'augmentation de la production industrielle du fait de la... probablement grande augmentation du nombre de moulins et de marteaux-pilons. Et quel type de production industrielle? Alors, pendant l'ère, disons, communale, donc 12e, 13e siècle, c'est la laine à Padoue, le fer. Et après, pendant la seigneurie, donc 14e siècle, c'est la soie. La soie et le papier, surtout. la laine de Padoue, il faut dire, n'était pas très réputée, mais il avait quand même un marché, disons, de plutôt local, parce que, vous savez, il y avait Venise tout près, et par exemple, c'est la même situation pour Trévise. Des collègues ont dit que le rôle commercial de Trévise, c'était celui d'un intermédiaire entre les producteurs allemands, par exemple, ou français, ou des Flandres, et Venise. Donc, il y a un historien qui a dit que Trévise vivait grâce aux impôts sur les marchandises qui passaient par la ville. Moi, je suis pas complètement d'accord, mais il est vrai que la production industrielle à Padoue, pendant la période communale, n'est pas grand-chose, en fait. Bien. Merci encore. Merci.